Bonjour à tous, vous êtes dans l'émission Conenambi, tous les dimanches de 16h à 17h, le premier dimanche de chaque mois. L'émission est consacrée aux musiques jeudi, aux musiques d'aujourd'hui, des Antilles, musique créole. On commence cette émission et cette année, déjà en vous la souhaitant la meilleure possible. On va faire une émission spéciale avec non seulement moi-même EDS, l'animateur de la mensuelle Musique Jeudi, mais également avec nous le reste de l'émission Conenambi, Pascal, et j'ai gardé la dame en dernier, bon ce n'est pas ça la galanterie, mais on va présenter après, juste après on va discuter avec elle s'appelle Mamou, et le troisième dimanche de chaque mois, elle présente l'émission en page Belay. Pour cette rétrospective, histoire de finir l'année 2013 en beauté et commencer la 2014 avec toujours les actualités de la musique antillaise, créole, contemporaine, on va commencer avec une petite sélection de chaque animateur, et c'est encore moi qui commence. Tout de suite, on va écouter un titre d'un album important dont on va reparler juste après, mais on commence avec la musique. Missy Sadik featuring Zagalo. Non. Non, non, non, non. À 18 ans et demi, ou trop terrible. Oh oh. Kay passe yon kafe wigri yon ko ki wala ou. Ki problem ke ou e cheshi yon ko pou ko wa ou. Tout patou en villa ni moun ka nomme non wa ou. Ti gason ni sa ija rachete costume pou ma wa ou. Souve pan ba ou parol pa vin rakontan mouvement ha ou. Sonje ki jan ka peste yo fou en bal pou zoma ou. Men kay passe yo vin touche sou pou lo wa ou. La haine marque yon gros siphon wa ou. Ou fe parti mwen bien sete ou te kagoume yon ko. Ou j'a blessé moun men yo ke fè sang a roule yon ko. Se bou jandap ke vin chèche même le ou peke yon to. A te pou arrêter même mi yon ka répété yon ko. 666 si kou a ou ta koué yon jadjou point cool si débat rentre yon ka moun kagoule. Le pire c'est que ou senti bourdoué. Sami a peine si ou ni en 18 ans et demi. A pas trouvé qu'à l'âge où j'en ai trop ennemi. Mi koto j'a déchiré, kawa ou dis-moi si c'est yé qui problème qu'on s'arrête ou béni. Sami dis-moi si you pas qu'à trouver ou sauter. Pour si tigre yo obligé par tout ça ou béni. Par le fils si j'a chicaillé, kawa ou arrête et fait nous pour les adonner si la maman ou tiri. Et chaque jour c'est une nouvelle histoire, vie en danger. Mais toute famille a aussi ni espoir. Devre changer où j'arrive jusqu'à vin dit moi dit que ça. L'équipe peut comprendre moi si moi parce que nous pas étrangers. Vous savez en mi ou ni chance. Ou j'a descendu si ou en silence. Ou j'a blessé ou crevé ou chaillé ou en l'ambulance. Trop mauvaise influence, qu'à faire vivre dans la méfiance. Un jour comprendre que ou t'es mort, les yon battent vous un jour dimanche. Sami à peine si ou ni en 18 ans et demi. En pas trouvé qu'à l'âge où j'en ai trop ennemi. Mi koto j'a déchiré, quoi ou dis-moi si c'est yé qui. Problème qu'on s'arrête au béni. Sans m'y dire si you pas qu'à tout vous sauter. Pour si tigre yo obligé par tout ça au béni. Par le fils si j'a chicaillé quand wa ou arrête. Fait tout pour les adonner si la maman ou tiri. Hé, vous collez bouga ou? Vous pas répondre moi? C'est mal. Hé tiri, va pas les bas ou tiri. Vous même dis moi on va prendre plein cochonnis. D'ailleurs ou vine mec comme omi. Ou ka brake moun pou moni. Ou ka rentre ya ka moun nan boy nou ka domi. D'après mwen ou j'a fait assez folie. Et j'allais pour pe koumanse moli. Ou ka erre tout seul en pleine nuit. On sa kando wa ou eve yon bouteille yon lit. Sami a peine si ou ni en 18 ans et demi. En pas trouvé qu'à l'âge ou j'en ai trop ennemi. Mi koto j'a déchiré quand wa ou dis-moi si c'est yé qui problème qu'on s'arrête ou béni. Sami dis-moi si you pas qu'à trouver ou sauterie. Pour si tigre yo obligé par tout ça ou béni. Par le fils si j'a chicaillé quand wa ou arrête et fait tout pour les adonner si la maman ou tiri. Thierry, la peine pas vous. N'allez pas des faux, Paris pas bâti en 7 jours. Tini koui, tini las. Parti pas arrivé, Thierry. Zami a benté ou tini 18 ans et demi. A pas de béki à la jaou, j'ai ni de l'ennemi. Ni poudre j'a déchiré, pas wow, dis-moi si c'est yé qui problème, qu'on va qu'elle ou béni. Zami dis-moi si ou pas qu'à trouver ou trop Thierry. Quand tu dis réveille obligé, bah tout ça ou béni. Bah le visi j'a déchiré, pas wow, arrêtez, bah d'où vous les attendez. Thierry, Monsieur Sadik, featuring Zagalo, sur l'album À cœur ouvert. Pour ceux qui ont raté un peu l'actualité musicale de cette année 2013, on va faire une petite rétrospective, comme on a dit. Je précise que pour ceux qui ont pris l'émission au tout début, que l'instrumental que vous avez entendu s'appelait Canapé Vert, composé par Cacophonie Beatmaker, beatmaker guadeloupéen qui a sorti le projet We Love Haïti. Allez écouter ça. Et donc, dans les sélections, cet album À cœur ouvert de Monsieur Sadik, on peut déjà signaler mais que c'est un auteur déjà de grand talent au bout de deux albums et peut-être même un concert qui fait partie des concerts de l'année, c'était au New Morning en mai de cette année 2013, donc allez écouter ça, l'album À cœur ouvert. Et on poursuit les sélections de l'année 2013 avec un album beaucoup plus récent qui vient tout juste de sortir en décembre, on aura l'occasion d'en reparler, l'album Une Trace, et le MC s'appelle McFla, le titre Pepa Fait d'ailleurs. Ok. Exos, Top 6 McFla, Kako Music. Tous les jours au combat, Kako met pour libération. L'esprit enchaîné, aliénation, épivation. Babylone en motion, qu'a agi assis les nations. Nous qu'a mené ration, bâti fille et bâti garçon. Nous qu'a porté bon son, tout peut rafraîchir qu'on glaçon. Nous à circonscription, quand si nous même nous c'est maçon. Attirer l'attention, point et puis un gros coup klaxon. Gardez nous en prison et tout patouiller qui matron. Pas ni direction, moi nous peut finir en caleçon. En mandat illusion, on l'a commandé à l'hameçon. En idée réflexion, qu'à philosophie qu'on platon. Rêve et motivation, en papier aller au charbon. Les élus en fonction, mais y'a plus d'opposition. Le niveau position, mais y'a pas ni proposition. Ça pas qu'à tourner, on faut nous changer composition. Mentalité marron, en cas pas en composition. Nous pas là pour faire deuil, nous là pour les frères et sœurs. Nous pas là pour faire deuil, nous ni valet, nous ni cœur. Nous pas là pour faire deuil, la vie pas qu'à faire nous peur. Nous pas là pour faire pour le frère et sœur, nous pas la pour fêter, yeah. Nous ni valet, nous ni cœur. Nous pas la pour fêter, yeah. Babi pas qu'à faire nous peur. Nous pas la pour fêter, yeah. Pas la pour fêter, yeah. Sonner les contre à l'ambi, j'allais pour nous pépati en babi. Faut nous sortir trop longtemps, nous à dans sortir trop longtemps, nous à dans connu trop longtemps, nous à dans folie. Il j'allais réagir avant nous trapper en boli. Ni on l'a qui qu'a pour en fait. Et après son petit, faut qu'elle nous fêter, yeah. Nous qu'a goumé pour demain, paix en ti jamais, yeah. Pendant qu'a forcé, ni ça qu'a vivre enseigné. On microphone pour mégaphone, en paraphone, c'est pas la bonne. Changer la donne, si ni mal donne, on le déconne, qu'on clore déconne. Check, check, check. Joue nous qu'à joue nous, où ça fait IP que vrai joue. Nous qu'à s'y mêler l'amour, ni ça qui l'a pour le faire sous. Pas besoin logique pour trouver problème aux alentours. Qu'on RK et puis tout, nous c'est des nègres avant tout. Nous pas la pour fêter, yeah. Nous là pour le faire et c'est. Nous pas la pour fêter, yeah. Nous ni valet, nous ni cœur. Nous pas la pour fêter, yeah. Babi pas qu'à faire nous peur. Nous pas la pour fêter, yeah. Pas la pour fêter, yeah. Nous pas la pour fêter, yeah. Pour le frère et sœur, nous pas la pour fêter, yeah. Nous ni valet, nous ni cœur. Nous pas la pour fêter, yeah. Babi pas qu'à faire nous peur. Nous pas la pour fêter, yeah. Pas la pour fêter, yeah. Nous qu'à porter un gomme, nous qu'à bâcon nous bonne. Il faut qu'elle y comprenne. Dis-yo ça pour yo tonne. Non, moi nous pas avonne. La vie nous qu'à défonne. Peuple a toujours mêlé con si c'est farine et puissante. Fuck ça yo kazi. Nous même pas qu'à y biguizi. Même si ça pas easy, nous en laisse ça qu'on easy. Assion et mal, si plutôt qui pète fizzy. Nous qu'à faire yon pas fait. Comparolier à Weezy. Nous pas la pour fêter, yeah. Nous là pour le faire et sœur. Nous pas la pour fêter, yeah. Nous ni valet, nous ni cœur. Nous pas la pour fêter, yeah. Babi pas qu'à faire nous peur. Nous pas la pour fêter, yeah. Pas la pour fêter, yeah. Nous pas la pour fêter, yeah. Nous là pour le faire et sœur. Nous pas la pour fêter, yeah. Nous ni valet, nous ni cœur. Nous pas la pour fêter, yeah. Babi pas qu'à faire nous peur. Émission Musique Jeudi, passe Musique Nous Vivons, pas rien qui nostalgie. On écoutait à l'instant McFla, l'album Une Trace, le titre Pepa Fait d'ailleurs, histoire de faire part de toute la créativité actuellement aux Antilles. Hélas, on était en Guadeloupe. On précise que ce beat extraordinaire composé par Doopsis et Exos, eh bien, puisqu'il retient l'attention, on va rester toujours avec ce compositeur, le deuxième qu'on a cité, c'est-à-dire Exos. On précise que Doopsis et Exos forment le Kako Labo. Donc, si vous êtes du côté de la Guadeloupe et parfois même à l'extérieur, comme ils ont pu aller à la fête de la musique de Porto Rico, par exemple, cette année, on va rester avec Exos, qui a composé ce titre de l'artiste Génie sur l'album qui est sorti il y a 2 mois. On a reçu Génie ici, Exos, on l'a également reçu cette année. Donc, on va écouter tout de suite Afrique a fait de l'album Liberté de Génie. Mmh. qu'à jouer, j'ai qu'à manger sick. Sans voir les parents, j'apathie. C'est le samedi, nous caillons pire. Pour vendre si bon de l'eau. Et nous comptons, parce que je dis, nous caillons les amis. Maman te ke colette ke crier tapé mais vini tiens nous pas col mettre nous ciser dit nous pas paix mais te carrie avec plaisir nous garder nous longue nous te prie nous voyons les vésiers sous que tête imaginer c'était la pluie. Sous que tête imaginée, oh. Africa fait de génie, l'album Liberté. J'aurais pu aussi choisir les titres En mi-temps, Premier jour, Famici, Pays moins. Allez écouter cet album-là, très riche. Comme on vous a dit, on l'a reçu, il me semble, au mois de novembre ou de décembre, je ne sais même plus. Mais voilà, les trois albums des artistes que j'ai retenus pour le début de cette sélection. Missy et Sadik, Macfla, Génie. Soyez curieux, allez découvrir les albums. On va poursuivre avec une artiste qui n'a pas encore sorti son album. Pour l'instant, c'est un maxi 3 titres. Le titre est sorti en fin d'année 2012, mais j'ai un peu triché parce que je tenais à l'inclure dans la sélection. Elle s'appelle Isis Majumba, le titre Manzel. Afrika. Rive Madinina, Manze Marijana. Aïssès Majumba nous donne sa version du classique de Tiémil dans une version hip-hop. Allez chercher ça, le maxi s'appelle Missier Guillou, il me semble, et voilà, ça fait partie des artistes à suivre, j'espère, en 2014 du côté de la Martinique. Et je vais terminer ma sélection, en tout cas ma première sélection, peut-être de l'année 2013, avec une artiste également qui n'a pas encore sorti son album officiel, mais à suivre, un très grand talent de la Guadeloupe, elle s'appelle Soué et le titre Papillon. Si yo te mande moi pati son vini, en pati que j'en pati son vini, passe au qui papillon moi. C'est où qui parti? En te qui aime gade ou en mi tendier, plongé en de l'eau glacée, accouru sur le cabé. Quand tu vois temps pour méditer, si ça la nati voyé, et si ça nous qu'a cherché. Passé le voix, fois dit la carrette, red panan, que ou ka manqué moi. C'est le voix, moun ka colle, red panam, sa glace, et c'est là où elle m'a songé. François ou encore coupe fin moi et tes spécialités qui t'en nous ça pour me taper pas chahier. Et même si ça red red petit moun au tête pour rien, ça vous qu'a manqué moi. Ça red admettre nous pas en mettre nous pas rien si t'es en nous moi. Mais songez qui chante et me bouge, qui chante et me love, qui chante et me vibre, wow. Qui chante et me swing et à nous me peut pas oublier tout ça j'ai dit. Guadeloupe sur le titre Papillon de Souhait. Donc voilà, c'était ma sélection. Missier Sadik, McFly, Génie, Aïssès Majumba, Souhait pour cette année 2013. Évidemment, on ne peut pas tout mettre, mais on n'a pas du tout fini puisque maintenant on reçoit avec nous Mamou. Bonjour Mamou. Bonjour Edson. Bonne année. Merci à toi aussi. Et le troisième dimanche de chaque mois, de 16h à 17h sur notre radio FPP, toujours Conlambi, consacré à Empage Bellet. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton émission ? Alors, bah, bonne année déjà à tous les auditeurs de Conlambie, parce que je n'ai pas encore donné ma part. En page balèze, c'est une émission qui a pour vocation de faire la promotion du balai en Hexagone et en Martinique, donc tout ce qui se passe au niveau des actualités musicales, le travail aussi qui est fait pour les associations, et essayer de créer une coordination qui fasse un pont entre ce qui se passe là-bas et ici. Donc pour cette spéciale musique jeudi pour démarrer l'année, Mamou s'est également prêté au jeu de la petite sélection pour cette année 2013. Avec quoi allons-nous démarrer ? Alors, on va démarrer avec un titre de l'album Spirit Up Trio de Jimmy Felvia, accompagné à la batterie par Thomas Bellon et à la basse par Thierry Jean-Pierre. Ce n'est pas du belay, mais il y a un sample de la voix de Monsieur Thiraoul Grivalier sur un Dormier, pas viré Métey. On écoute. Paviré Mété, un titre tiré de l'album Spirit Up Trio de Jimmy Felvia avec Monsieur Thiraoul Grivalier à qui on avait rendu hommage en page balai le 15 décembre. On va continuer avec ma sélection puisque les garçons m'ont laissé carte blanche. Donc pardon pour le balai mais merci à notre culture musicale qui est très riche. On va poursuivre avec Sonny Troupé qui a sorti un album Voyage et Rêve dans lequel il fait une très très belle fusion entre le jazz et la tradition groka. C'est un percussionniste et batteur guadeloupéen. On va écouter mon coup de cœur de cet album générique, Messi Puyo. We'll be right back. Sonny Troupé. C'était Sonny Troupé, un titre de son album Voyage et Rêve, générique. Et on va poursuivre avec un trompettiste guadeloupéen, Franck Nicolas, qui a rendu un très bel hommage à la Martinique cette année en sortant en octobre de l'année dernière, pardon, en sortant en octobre 2013. Un album intitulé Jazz Belle Philosophie, qui est en fait le huitième du nom de Jazzka Philosophie. Il est accompagné au tambour belay par Philippe Gouillet-Montout, dit Philo. On va écouter un titre à 7 temps, Chouvalbois 7 pattes, on va juste déguster. Écoute, messieurs et dames, écoutez pour t'entendre, pour comprendre parole talent, qu'elle l'a dit qu'on s'en souhaite talent les autres là. C'est un jour où je suis allé à la balle, tout le monde va dans quasiment passer bon bagaille, mais ma partie ouais c'était qui ça, maman, là, ma passe à grand ballon et puis l'auto moyen. C'est là où je suis pas freiné, ma bagaille là, il va à la balle, l'auto moyen, ma passe à qui manier. Il dit, moi, ha, et puis bel ballon, on comprend nous, t'es qu'à aller plus vite qui moi. Ma partie ça, c'était qui ça qui était là, mais c'est quatre roules, ma tenue, bagaille là, dit, maman, sans souval, sept pattes, ma ka roule plus vite que vous. Zumba, imoko, jume, quel imoko, zumba, imoko, hey! Zumba, imoko, jume, quel imoko, zumba, imoko, hey! Chouvalbois 7 pattes, tiré de l'album Jazz Belay Philosophie du trompettiste guadeloupéen Franck Nicolas. C'est un album qui était sorti en octobre. Je me rapproche de plus en plus de mon belay traditionnel préféré, ma culture racine, comme le dit si bien Pascal, n'est-ce pas? Et on va poursuivre avec un titre de l'album d'Hervé Selcal, Bel Air for Piano. Le titre que j'ai choisi, c'est Soirée Belay, c'est un grand belay. Et j'en profite pour faire un coucou et souhaiter un joyeux anniversaire à Boris Reine Adélaïde, qui interprète le tambour belay sur cet album. C'est un album donc, qui était sorti en avril et qui a reçu vraiment un très très bel accueil du public et des anciens en Martinique. Donc on écoute Soirée Belay. Magnifique solo de Boris Reine Adélaïde sur l'album Bel Air for Piano du pianiste martiniquais Hervé Selcal, intitulé Bel Air for Piano, sorti en avril 2013. On va poursuivre et clôturer donc ma sélection. Merci Edson, merci Pascal. Je me suis vraiment fait plaisir pour le coup. Avec l'album Belle et nous, Dénons mon désir. Belle et nous, un groupe qui existe déjà depuis une trentaine d'années. Et pour clôturer tout ça, on va écouter simplement Moon Belay et je vous dis à très très bientôt. yo yo yo yo. Il vient danser belle. Nomme la sans cavalier. Il vient danser belle. Waya ya ya ya. Il vient danser belle. Ga danser belle. Il vient danser belle. Oh yo yo yo yo. Il vient danser belle. Nomme la c'est mon belle. Il vient danser belle. En toute soirée belle. Il vient danser belle. Ga danser belle. Il vient danser belle. Oh yo yo yo yo. Il vient danser belle. Nomme la sans cavalier. Il vient danser belle. Il aime danser. Il vient danser belle. Ça danse, danse belle. Gade prestance boucle, danse belle. Gade j'échappé, danse belle. Nous la sans cavalier, danse belle. Oh yo yo yo yo, danse belle. Danse belle. Danse belle. Danse belle. Danse belle. Oh yo yo yo, il vient danser belle. Non la sans cavalier, il vient danser belle. Qu'a sonné, il vient danser belle. Qu'a dansé, il vient danser belle. Qu'a volé en l'air, il vient danser belle. Qu'a ouvert des bras, il vient danser belle. Qu'a fait belle pirouette, il vient danser belle. Oh yo yo yo yo, il vient danser belle. Non la sans cavalier, il vient danser belle. Qu'a dansé belle, il vient danser belle. Qu'a gardé dans l'an, il vient danser belle. Qu'a veillé dans l'an, il vient danser belle. La Kenny Belgique, il vient danser belle. Gardé Belgique, il vient danser belle. Vini gardé Belgique, il vient danser belle. Yo yo yo yo, il vient danser belle. Il vient danser belle. Il vient danser belle. Il vient danser belle. Il vient danser belle. Prochaine jazz et tradition avec la sélection de Mamou de l'émission En Page Belle. Prochaine émission donc le dimanche 18 janvier de 16h à 17h. Et on va maintenant, comme on a dit, émission spéciale Musique Jeudi avec toute l'équipe de Conlambi. On salue Harry d'ailleurs qui est arrivé parmi nous. On va terminer la rétrospective 2013 avec la sélection de l'animateur historique de Conlambi, Pascal. Oui, oui, oui. Bonjour à tous. Bonne année. Excellente santé pour ce nouveau calendrier. Je suis content de vous avoir tous ensemble. Ça fait plaisir. Donc je tiens déjà à vous remercier de votre participation depuis plusieurs années avec toi, EDS, et la nouvelle venue Mamou pour cette nouvelle saison 2013-2014. Donc, je me suis aussi prêté au jeu. J'ai essayé de trouver un bon compromis parce qu'il y a eu énormément de production, ce qui témoigne d'une relative créativité dans nos musiques en Guadeloupe et en Martinique. Et on va commencer tout de suite par un artiste qui est pour moi une révélation en chanson martiniquaise, c'est Sinké, avec le morceau « Nous Patella ». A priori, vous avez dû l'entendre il n'y a pas longtemps lors du concert des Décemprix à la fin du mois de décembre. L'album Chemin Limier qui vient tout juste de sortir d'ailleurs. Oui, voilà, il est sorti, je crois, en courant novembre, courant décembre. Courant décembre. Voilà. Donc, pour le moment, je crois qu'il est en, En digital. En digital. Petit problème technique. Alors, si un CD qui est déjà calé, Harry, tu peux me passer le Chapeau Mac. Alors, Chapeau Mac, pour moi, c'est la révélation hip-hop créole, pour ma part. Et on va écouter le morceau D-Style avec un featuring d'un artiste inconnu que vous allez découvrir incessamment sur le c'est l'émission Colombie jusqu'à 17h tous les dimanches à 16h. Ouais. Ça. Si c'est un seul bal qui rete, si mais c'est main qui pète, rete, peu pas si c'est crétin ou qui regrette. Waka pour différer en playback différé, soumener l'essence, pas même amène diffé. Ma main rap là, c'est bagaille qui différent, dit crunk normal, puisqu'il était là, t'as vite un. Alors oui, t'étonnes, t'attends du cause représente, et puis t'as mon cas, t'attends des cas, commencer en bête en fait. M'a pas même présenté, EDS ou pas hôtel, ou doit pas faire basket en EPS, et puis en plus, pas ni pièce, un psy qui arrive et test. Ou pas besoin de vex, because du cause we are the best. Ouais, mon beau et puis les boss, comprends le boss en place là. Bon, mes place là, regardez les manières, chacal cabal ça. Tout le monde auto-tune est juste et chante ça, le sac au rasta. Mais du cause l'original, sauf ça. Chaque boy blanc, tu cause sans gueule là. Les phénomènes en l'air, même qu'à foyer en picot. Ça m'a aimé, ouais. Bah, tout chômage, dit pas. Faut créer un homme, faire ça, nous la épisode. Chaque boy blanc, tu cause sans gueule là. Les phénomènes en l'air, Gut Squad, Romac, Vinson. Ça m'a aimé, ouais. Nous ça fait rien, l'hypothèse. Il faut créer un homme, bah, tout car j'ai dit. Mon lever matinique, pas lever en d'autre côté. Ou bien tourner en tout sens, ça du cosme sauter. Même si c'est pas rap, ici y'a qui fait moun sauter. M'en dit comme un badik, depuis tête la kassoukwe. Pétex, ça m'en dit la payante de boucler. Mais pas dit trop musique capable d'y parler, dit ça nous y est. Pas parole, nous l'est, pour y pas tout faire. Rien qui sont lol, en français pour aïsouke. Songez, monter la syndic, prosoué. Descendre all des sports, fait gris pour jouer en bas terrain couvert. Ouais, en genre, coup de chat, coup de sylvain, gotcha, chat, pour que sirène normal nous gêne. Les polis projets, café roi de gros quoi dossier. Sous bouteille, bon buffet, à passe femme, pas les danser. Je dis, ça veut le bagage changer. Mais du cosme senti, mais toujours qu'il représente où ça. Check vibe là, du cosme gang là, les phénomènes en l'air. Même qu'à foyer en picot, ça m'a aimé, ouais. Bah, tout chômage, dit cause. Faut créer un homme, faire ça, nous la épisode. Check vibe là, du cosme gang là, les phénomènes en l'air. Gut Squad, Romac, Vinson. Ça m'a aimé, ouais. Nous ça fait rien, l'hypothèse. Faut créer un homme, bah, tout car j'ai dit cause. Puisque ni dès que t'es au pays ou pas, je t'en parlais. T'as là, c'est pas tout cardé, carbé, j'y sens dans les missions. Vous demandez, monsieur, c'est un bout côté. Un pas dit trop au chardi, du cos avec un grand D. Syndique la cité, car tu mets la sérénité. Des dix côtés, mais là, ni M, c'est qu'à cracher ni fait. Vague de qualité, ni Rix qu'à faire méditer. On y gagne, t'es tout qu'à peine, dit la vérité. Qu'à dit la vérité. Pas hésiter, dit même si ça pas t'es l'idée. Pas fait timide, les MC la ka débité. Lyrics la ka édiqué. Puisque là yo fait pas limé. Tout qu'est ça imité. Et ça la imatinique. Du cosma, si lui pari connaître clocher l'église. Dans les bonnes là, à cette dipétise. Nous des kakouris, vite des commis. On lit des en envie, passer la télé, des copines. Deux amis, ou d'un lit. Check vibe là, du cosma gang là. Les phénomènes en l'air. Mon cas, voyant en picot. Ça m'a aimé, ouais. Bah tout chômage, dit cause. Faut créer un homme. Faire ça, nous la épisode. Le morceau de Chapeau Mac, la révélation hip-hop créole de l'année pour moi, et donc en featuring avec EDS, du groupe Scud Squad, du collectif Lâché Chivé. Et donc on va normalement écouter Sinké. Voilà, merci. Dis-moi combien ou rive chanye. Dis-moi qui sa yo ba ou le ou frappe. Assis la porte, oui da gore. Dis-moi combien femme ou viole. Combien tchama yo et papa yo tombe. Est-ce yo chele, est-ce yo ou clé. Jik t'en fouet ou fini danser. Tout ça travaille pour qui médaille, grand profitance, ti récompense. Pour la rivière sans qui couler, fouiller ravine, fâcher la mer. Fouiller la voix derrière. La voix, la voix, la voix, la voix, la voix. Boy, boy, les pour te trouver un débranef pour remplacer nèg libéré qui prend couille mais l'en misère marre tout monde ou méprisé ou exploité ou rester sous les yo mandé l'on est respect et dignité les yo comprendre c'est non ça travaille pour qui médaille grand profitance tire récompense pour la rivière sans qui couler fouiller ravine fâcher la mer voyez la voix derrière. Voilà, c'est Sinké sur l'album Chemin Limier, disponible en digital. On va enchaîner tout de suite parce que l'heure court. C'est le morceau de Chico Siméon pour l'album 99%. Donc Chico Siméon, le fameux bassiste martiniquais, on va l'écouter tout de suite. Le morceau, c'est Cheval Wood. Nous arrivons à la fin de cette rétrospective de 2013 en matière de musique caribéenne. Donc, T'as pas présenté le ah dernier, oui, excuse-moi, le dernier titre. Excuse-moi. Le dernier morceau qu'on vient d'écouter, c'est le morceau du beatmaker Jibrail, du groupe Bocaz. J'envoie un big up à toute l'équipe de Bocaz. Et le morceau, c'était Evidence sur l'album Lost Highlands. Donc voilà, Music Jody spéciale rétrospective de 2013. Juste une petite annonce. Oui, oui, oui. 2013 était une année très riche et 2014 va commencer avec un très très beau concert. Un concert-spectacle mis en scène par Valérina Victor. C'est le concert-spectacle de Max Silla, le père de la flûte des mornes. C'était l'un des maîtres d'Eugène Mona. Donc il vous attend le samedi 11 janvier 2014 à 20h à Paris, dans le 7e arrondissement, au grand amphithéâtre de la Ziem. Plus d'informations sur son site max-silla.com et les informations seront de toute façon relayées la semaine prochaine via la page Conlambi et en page Vélet sur Facebook. Très bien. Donc, je vais en profiter aussi pour annoncer une autre date. C'est le 17 janvier, vendredi 17 janvier, au Downtown Café, atelier Lâché Chivé, atelier hip-hop créole, création hip-hop créole. Donc, n'hésitez pas à venir, parce que c'est moi-même qui organise. Ce sera un atelier normalement spécial Kassav, que des beats à base de samples des différents membres du groupe Kassav. Donc je l'annonce, c'est pas encore fait, mais c'est ce qui est prévu. Et, très bien ça, c'est une bonne nouvelle. Il y avait une petite pause. Oui, c'était la petite. En fait, maintenant, les ateliers auront lieu tous les deux mois, donc toujours au Downtown Café, rue Jean-Pierre Timbaud dans le 11e. Donc n'hésitez pas à venir, c'est bonne ambiance, il y a de la musique. Et juste après, il y a une soirée, la Caribbean Party. Donc voilà, beaucoup de musique caribéenne, on est dans la ligne directrice de l'émission Musique Jeudi. Et qu'est-ce qu'on va dire encore pendant que le morceau de Jibrail se termine? Déjà, ben, merci à vous d'être avec nous pour cette première de l'année. On rappelle l'émission de Mamou en page Belay, la prochaine aura lieu le 18 janvier de 16h à 17h. Pascal, on va te laisser conclure en tant que... Voilà, bye Balan, ça c'est pour tous les auditeurs, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous soutiennent. Bye Balan aussi pour tous les gens qui luttent contre toutes les formes d'oppression. Et voilà, un nouveau calendrier comme je disais tout à l'heure, et j'espère que ça te continuera pour les décennies, les millénaires à venir. Voilà, on se quitte avec l'équipe haïtienne, que je salue également, David, Jacques, Nézi, Rommel, voilà tout le monde. Et je vous dis à la semaine prochaine sur Conlambi, fréquence Paris Pluriel 106.3 tous les dimanches, 16h, 17h et 17h, 18h pour l'équipe haïtienne. À bientôt. Conlambi vin pote ba ou bonjour nouvelle la caille. Nouvelle politique, nouvelle économique, nouvelle la culture, ak bonjour débat sur la vie communautaire.